à la porte de mon univers. À travers la serrure, dis-moi de quoi ai-je l'air. Tu voudrais me ranger, me faire à ton image. Tu penses me connaître comme tu vois des mirages. Tu ne m'as pas fait naître, ce que tu sais de moi se limite à ce que tu voudrais que je sois. Mais tu voudrais que je sois quoi? I'm the color of the wind, I've forgotten the scent of your skin. Making fun of what you imagine. The applicant, the dreams you had for tomorrow. The color of the wind, I've forgotten the scent of your skin. Making fun of what you imagine. 3 years ago. Dire que je n'ai pas assez pensé, que la distance est dangereuse, j'ai trop vite oublié. Toujours les mêmes questions que tu me répètes, comme si ma réflexion n'était qu'un coup de tête. Même si je veux crier, je modère mon discours pour ce qu'on était. Je reste muet mais pas sourd, je touche mes limites. Et puis je me souviens quand enfin une fois seul, tes sanglots fassent les miens. Tes sanglots font les miens. Because of the wind, I've forgotten the scent of your skin. Making fun of what you imagine. The arrogant dreams you had for tomorrow. Because of the wind, I've forgotten the scent of your skin. Making fun of what you imagine. 3 years ago. Making fun of what you imagine 3 years ago.